êtes-vous? Je vous vois. Lo vedo. Ça c'est je le vois. Ah, la vedo. La vedo. Et comment dites-vous je ne vous vois pas? Non la vedo. Non la vedo. Et pouvez-vous me traduire la phrase je ne peux pas vous voir ce soir? Non la posso. Ah, non posso vederla stasera. Bien, non posso vederla stasera. Ou bien, comme vous alliez dire au début, non la posso vedere stasera. Comment diriez-vous, je ne pourrai pas vous voir ce soir. Pourrai au conditionnel. Non posso vederla stasera. Non posso vederla stasera est correct, mais c'est un présent. Je ne peux pas vous voir ce soir. Comment diriez-vous ça au conditionnel? C'est-à-dire, je ne pourrai pas vous voir ce soir. Ah oui. Non potrei. Bien. Vederla. Oui, vederla. Stasera. Non potrei vederla stasera. Voilà. Et maintenant, vous allez dire « ça ne serait pas possible pour moi ce soir ». Ah, je connais la terminaison, mais pas le... D'accord. Comment dites-vous « ça sera » ?« Sarò ».« Sarò », c'est « je serai ». Je vous ai demandé « ça sera ». Ça sera. Ah oui, Sarah. Vous ne devez insister que sur une seule syllabe, pas deux. Sarah. Malheureusement, ce n'est pas la bonne. Sarah. Sarah. Au futur et au conditionnel, on insiste clairement sur la terminaison. Si vous dites Sarah, on ne vous comprendra pas. Ou alors, on comprendra autre chose, parce que Sarah, c'est un pronom féminin. Alors, ça ne serait pas... Ça ne serait pas, oui. Non sarei? Ça, c'est je ne serais pas. Non sarebbe. Voilà. Ça ne serait pas, non sarebbe. Non sarebbe possible pour moi ce soir. Possibile per me stasera? Oui, c'est ça. Non sarebbe possibile per me stasera. Non sarebbe. Répétez, s'il vous plaît. Non sarebbe. Non sarebbe. Ah, non sarebbe possibile per me stasera. Voilà. Non sarebbe possibile per me stasera.